Le ver luisant, partie 1. Que se passe-t-il? 9 heures du soir et il y a encore de la lumière chez lui. Le ver luisant, partie 2. Cette goutte de lune dans l'herbe.